voix du Kaizen. Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine. Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. L'émission radio La Voix du Kaizen relaie la voix de ceux qui ont fait le choix de la cohérence et du changement. D'abord militant, puis engagé dans la solidarité internationale, Martin finit par se sédentariser dans les montagnes de l'Ariège, où il a créé une biscuiterie artisanale pour développer le modèle économique qui lui permet de vivre la vie qu'il s'est choisie. Une vie simple dans une maison écologique. Rencontre avec Martin. Non, moi je viens de Haute-Savoie, je suis arrivé il y a 6 ans en Ariège. Par des potes qui se mariaient, et puis de fil en aiguille, je suis resté une semaine, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis j'ai trouvé ma place ici, quoi. Tu connaissais l'Ariège avant de venir, ou c'était juste... Non, j'étais jamais venu. Bon, j'en avais beaucoup, beaucoup entendu parler par les différents potes qui étaient venus déjà dans le coin, et qui trouvaient qu'il y avait une sacrée énergie... qu'il y avait une sacrée énergie dans ce territoire, en fait, parce que c'est un territoire qui a été pas mal à l'abandon, où il y a beaucoup de granges, où il y a beaucoup de forêts, qui a repris le chemin sur du pâturage, et où il y a encore des possibilités d'acheter des granges, des terrains, des maisons pas chères, de s'installer, et de vivre dans son utopie ou pas, et puis de s'y perdre d'ailleurs ou pas, quoi, puisque c'est un territoire, tu peux vraiment t'y perdre, je pense, si tu sais pas ce que tu veux faire et que t'es pas assez clair et posé aussi dans ta tête, quoi, voilà. Et c'est ce qui t'a amené ici, toi, cette envie de développer ton activité dans un territoire où c'était encore possible de le faire? Moi, ce qui se passait, en fait, j'ai beaucoup travaillé à l'international, dans la solidarité internationale. Donc, j'ai travaillé au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Mali, à Brazzaville. J'avais compris au fond de moi que vraiment j'avais besoin de cet environnement pour vivre et que j'étais pas fait pour vivre en ville et que j'étais fait pour vivre à la campagne, quoi. Et donc quand les potes m'ont dit qu'ils se mariaient en Ariège, j'ai dit je débarque pour le mariage, et puis je suis resté de fil en aiguille, je suis resté. Et puis le fait de rester, au final il y a des portes qui s'ouvrent aussi, quoi. C'est-à-dire que moi il y a des potes qui m'ont dit tu viens quand tu veux à la maison. Au final j'ai squatté un mois et demi chez eux et je leur filais un coup de main sur leurs activités agricoles ou les différents trucs qu'ils avaient fait à faire à droite à gauche. Et puis c'était un peu un woofing sans être un woofing, tu vois. Et après, de fil en aiguille, on m'a proposé une grange qui était vide, qui était inhabitée à 15 minutes de marche d'un village. Et donc au final, j'ai passé un an dans cette grange. Voilà, il y a le fait de rester, de montrer qu'on avait envie un peu de s'installer. Il y a des portes qui s'ouvrent et il y a des gens qui tendent la main et qui font que... c'est assez facile au final, je pense, si on est ouvert d'esprit, humain, envie d'aller vers les autres, c'est assez facile de pouvoir s'installer encore dans des territoires comme celui-ci, parce que la solidarité est présente. Voilà, je pense que c'est important, quoi. J'ai lancé une gamme de biscuits dans la boulangerie où je travaillais avec les potes, puis les potes n'ont pas voulu porter ce projet, développer ce projet à côté de la boulangerie. C'est vrai que moi, j'ai repris ça à mon compte. Ils ont continué à me prêter leur fournil 2-3 jours par semaine, le temps que je me lance un peu. Et puis, à un moment donné, mon activité avait pris une telle ampleur que je ne pouvais pas continuer à travailler chez eux parce qu'il n'y avait pas assez de temps pour moi par rapport à eux. Et donc, j'ai trouvé un atelier. Et puis après, on travaille trop. Donc, moi, j'ai pas envie de gagner. Je m'en fiche de gagner 5000 euros de rouler en Porsche Cayenne. Donc, on embauche quelqu'un pour partager le travail. Puis de fil en aiguille, on embauche une troisième personne, et puis une quatrième, et puis on voit que son activité, elle a un... il y a un lien qui se crée aussi avec les habitants du coin, et ça fait un peu caisse de résonance, quoi. Ils viennent au marché t'acheter des biscuits, et puis au final, c'est eux qui te disent, mais il faut continuer, et puis tu t'accroches un peu au début parce que c'est pas forcément facile, et puis au final, tu t'accroches, et puis t'arrives à en vivre correctement, et puis effectivement, derrière, ça fait que tu crées d'autres liens en plus, donc derrière, t'achètes une maison, tu achètes un terrain, tu plantes des arbres, enfin voilà un peu toute ma démarche, quoi. C'est ça qui m'intéressait, c'est ta démarche aussi derrière, ce qu'on voit pas, parce que tu dis, on arrive à en vivre, mais après, ça dépend qui, ça dépend des besoins qu'on peut avoir. Toi, tu en vis très bien, peut-être que quelqu'un d'autre en vivra mieux, et peut-être qu'une troisième personne, comme tu disais, ne pourra pas s'acheter la bagnole, on t'y rêve. Donc toi, quel est ton idéal, j'ai envie de dire? Comment est-ce que tu organises ta vie, ton emploi du temps, tes besoins matériels et financiers? Déjà, moi, j'ai la chance d'avoir une compagne qui est maraîchère. elle travaille à mi-temps à la biscuiterie, puis l'été, vu que nous, c'est quand même la période creuse au niveau de la biscuiterie, ça lui permet de pouvoir se dégager du temps et derrière de pouvoir avoir un gros potager. Donc voilà, on a un gros potager, on fait beaucoup de jus de pommes, on glane pas mal de pommes à droite à gauche chez des gens qui n'utilisent plus leur verger. Donc on peut aussi les entretenir, enfin voilà, et ça fait que après avec cette activité, je sais pas, je me sors en SMIC, mais l'un dans l'autre, au final, je vis très bien. Voilà, parce qu'on fait plein d'autres choses à côté, on troque beaucoup aussi avec des amis. Enfin voilà, quand on est producteur, on a cette chance d'à la fois de faire le marché, donc d'être en relation avec d'autres producteurs et ça facilite aussi cette autonomie-là qu'on a, vers lequel on a envie d'aller, quoi. Voilà, je pense que c'est plus difficile si t'as pas une activité productrice quelle qu'elle soit, si tout ça, je pense que c'est plus compliqué. Pour nous, c'est facile. Et c'est vraiment vers là, c'est pour ça que j'ai arrêté la solidarité internationale. Je considérais que chaque pays devrait plus ou moins être autonome, tu vois. Enfin, chaque population devrait plus ou moins être autonome chez soi pour être le plus heureux du monde et pour dépendre le moins possible des autres. Et moi, en tout cas, au niveau des biens vitaux, c'est ce vers quoi j'essaye d'aller, quoi. Voilà, et qui m'a toujours vraiment beaucoup attiré. C'est pour ça que l'Ariège aussi, ça a été vraiment pour moi un déclic. C'était dans le sens où, ouais, tout est possible, quoi. Voilà, on invente un autre système économique, d'autres rapports humains. Il y a tout ça qui se dégage un peu en Ariège que je trouve vraiment intéressant, quoi. Voilà. Tu me parles d'autonomie. Qu'est-ce que tu entends par autonomie? Moi, être autonome, moi, à mon échelle, c'est être autonome le plus possible au niveau des biens vitaux, quoi. C'est-à-dire aliments, que ça soit. Moi, je suis pas végétarien, je mange de la viande, donc c'est vrai que j'aime bien. J'essaye de tuer un mouton par an. J'aimerais bien. Là, je l'ai pas fait depuis quelques années, mais faire un cochon par an. Tu le fais. C'est toi qui tues ton cochon ou ton mouton? J'essaye. Voilà, quand je peux le faire, je le fais, quoi. Voilà, mais c'est. C'est vrai que pour moi, c'est important, quoi, de dire, on tue un animal, c'est pas rien non plus, quoi. Je pense que je pourrais pas être végétarien, soyons clairs, parce que j'ai grandi à la montagne et que je suis vraiment une alimentation carnée depuis que je suis gamin et que j'aurais du mal à m'en passer. Par contre, c'est vrai que d'être autonome, c'est aussi de se dire, je fais pas ce qui est déplaisant, ce que j'ai pas envie de faire moi, je le fais pas faire par les autres, quoi. Et que tuer une bête, c'est jamais facile, mais je prends pas plaisir à le faire. Par contre, je prends plaisir dans la démarche de le faire, de dire je l'engraisse, je la tue et je la mange, quoi. Et je contrôle au final le cycle animal en quelque sorte, quoi. Voilà, ça me plaît. Le fait de produire le plus possible des biens vitaux, de faire du jus de pomme, de faire faire notre gnôle, de faire tout ça, pour moi ça c'est déjà être autonome, quoi. Limiter le plus possible mes liens avec une économie plus capitaliste, quoi. Voilà, par exemple au supermarché actuellement, et c'est encore un regret, j'y vais pour acheter les croquettes de mes chattes, quoi. Voilà, et c'est vraiment le dernier truc que j'achète en hypermarché ou en Intermarché, c'est les croquettes de mes chattes, quoi. Et sinon je n'y mets plus les pieds, et ça je suis le plus heureux du monde. Mais ça c'est possible aussi parce que je fais le marché et que c'est plus facile pour moi aussi de trouver tout au marché, sachant qu'en plus à Saint-Girons c'est particulier parce qu'on a un marché qui est immense où on peut tout trouver, quoi. Voilà, tu peux trouver du PQ si tu as envie de trouver du PQ, quoi. Et ça c'est génial, c'est plus facile d'aller vers cette démarche avec ces possibilités là aussi où on n'a pas besoin d'aller courir là à droite à gauche pour trouver. On fait le marché le samedi matin, on trouve tout, et si on a envie de repartir dans sa montagne une semaine et de pas redescendre en ville, même si c'est une petite ville, on peut le faire, quoi. Donc tu parles d'autonomie des besoins vitaux, donc boire, nourrir. L'énergie, comment tu gères ça par rapport à toute la question habitat, la question énergie? Alors c'est une bonne question. Nous, pour l'entreprise et la maison, on est chez Nercop. On a fait le choix de payer un peu plus cher, mais de subventionner, j'oublie le terme que je veux dire exact, mais de porter aussi une énergie verte, voilà. Nous, on est en train de construire on a acheté une grange là qu'on est en train de retaper, et à terme, le but, ce serait d'être autonome au niveau électricité, quoi. Donc, ce ne sera pas tout de suite maintenant. On va faire tout pour que le réseau électrique, on puisse être autonome à terme. Pour moi, ça veut dire être autonome, ça veut dire pas avoir 50 panneaux solaires, quoi. Ça veut dire avoir, 5 panneaux solaires, une petite éolienne, et travailler un peu avec tout. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est limiter sa consommation énergétique, quoi. Donc nous, par exemple, là, on est en train de voir pour acheter un congélateur qui fonctionne que sur du solaire. Une nouvelle technologie où tu as un accumulateur de froid qui est à l'intérieur du congélateur, donc tu n'as même pas besoin de batterie. Donc voilà, moi, à terme, j'ai envie d'être autonome. Et après, c'est aussi, nous, par exemple, on a fait le choix de faire une maison qui nous coûte un peu plus cher que ce qu'elle aurait pu nous coûter. Mais par contre, on a une super isolation. Et donc au final, je dirais pas maison positive, passive, ça m'intéresse pas, mais par contre, ça veut dire que derrière, on n'aura pratiquement pas besoin ni de bois, ni d'électricité pour chauffer notre baraque. D'ailleurs, d'électricité, on n'en aura pas, mais on aura très peu besoin de bois. Théoriquement, ça a été calibré pour qu'on bouffe une stère par an, quoi, de bois, pour chauffer, ce qui est ridicule, quoi. Surtout dans une région où il y a quand même beaucoup de bois comme ici et où on pourrait en utiliser plus, quoi. Vous écoutez La Voix du Kaizen. La sobriété heureuse aussi, pour moi, c'est ça, quoi. Tu vois, c'est pas d'être dans l'hyper-consommation, mais c'est pas non plus refuser de s'acheter une tablette de chocolat ou une tasse de thé parce que ça vient de super loin, quoi. Des échanges économiques, il y en a eu tout le temps. Le problème maintenant, c'est qu'ils sont pas équitables et qu'ils sont pas écologiques, quoi. C'est ça le gros problème pour moi des échanges mondiaux, quoi. C'est d'abord qu'ils sont pas équitables, voilà. En tout cas, le terme de simplicité volontaire, décroissance, sobriété heureuse, ça te parle, quoi. Ah oui, carrément. Mais c'est pareil, la décroissance, attention, la décroissance, ça ne veut pas dire qu'économiquement, il ne faut pas qu'il y ait plus de croissance. C'est juste que, pour moi, c'est juste que déjà, il faut qu'on diminue nos consommations, que ce soit énergétique, animale, tout ça. Et après, ça ne veut pas dire pas créer de richesse. Je pense que voilà, là, il y a vraiment... Et là-dessus, je pense qu'il y a des intellectuels qui font très bien la distinction et qui arrivent très bien à expliquer, de dire voilà, c'est pas la décroissance, c'est pas qu'on veut plus de richesse, qu'on veut plus créer de richesse, c'est que la richesse, elle doit être plus équitable, elle doit être mieux répartie. Et effectivement, on doit diminuer si on a envie de mieux les répartir. On n'a pas le choix, quoi. À un moment donné, nous en Occident, on dépense 5 fois ou 6 fois ce que dépense un Africain, quoi, par personne. Donc, et c'est là-dessus où voilà, si on a envie que ça soit plus équitable, forcément, effectivement, à un moment donné, nous, on doit diminuer. Et c'est là-dessus vraiment qu'on essaye de sensibiliser les gens, quoi. Ta démarche ici, je pense qu'elle est facile dans le sens où en Ariège, beaucoup de gens sont déjà sensibles à ça. Bah, je pense que c'est quand même un mouvement qui des idées de pensée qui se font un peu partout, quoi. Voilà. Après, je pense qu'effectivement, l'Ariège, on est sur un territoire où à la fois c'est plus facile, où il y a une sensibilisation qui est plus longue. Il y a plus, ça fait plus de temps qu'il y a des gens qui sont réinstallés avec ce genre d'idées. De se réapproprier un peu la terre à petite échelle ou juste pour en vivre soi-même ou quoi que ce soit. Et il y a une réalité quand même, si on parle purement économie, et même, j'aime pas trop ça, mais purement croissance, c'est que depuis 10 ans, la seule branche économique qui est en croissance à deux chiffres, c'est le bio, quoi. Et voilà, et donc je pense que vraiment, c'est... S'il y a un truc à développer maintenant, c'est ça, quoi. Allons-y. Par contre, faut être intransigeant, c'est-à-dire que par exemple, les centrales d'achat de Biocoop ont décidé de plus accepter des entreprises qui fassent des produits bio et non bio. Donc maintenant, eux, ils vont référencer que des entreprises qui fassent que du bio, parce qu'on n'a pas envie que le bio soit une niche avec des industriels et des capitalistes qui se disent, il y a de la thune à se faire, on y va, quoi. Tu vois, effectivement, on peut vivre de ça, on peut créer de l'emploi grâce à ça. Mais c'est pas au détriment du militantisme et de pourquoi on le fait, quoi, et de pourquoi c'est vital d'aller vers ça, quoi. Voilà. Je pense que je suis très radical, je pense, dans mes idées, dans mon militantisme, tout ça. Après, je peux l'être moins, je peux être plus consensuel, plus tolérant aussi envers l'autre, quoi, tu vois, et d'être toujours dans le dialogue pour essayer qu'on tire un peu dans le même sens et qu'on progresse dans le même sens et essayer de sensibiliser les gens, quoi. Bon, moi, j'ai tout de suite été dans la solidarité internationale, tu vois, dans l'autre, dans comment faire pour que mondialement, il y ait aussi des pays qui vivent mieux chez eux et qu'on arrête l'humanitaire, que ça soit juste de la distribution de bouffe et qu'on soit que dans l'urgence, quoi. Voilà, moi, j'ai fait des études là-dedans et ça m'a beaucoup apporté aussi d'intellect, de réflexion sur l'autre, sur les relations interdépendantes au niveau mondial, sur les relations nord-sud, les relations sud-sud, nord-nord. Et ça fait que je pense que voilà, dans cette démarche-là, au bout d'un moment, on peut pas vouloir que les pays, par exemple, du Sud ou que les pays Nord-Sud, il y ait une relation qui soit plus équitable entre nous qui s'installe si nous, on ne change pas chez nous. Le problème fondamental, il est le problème des élites en Occident, quoi. Il y a 1% de la planète qui a 90% des richesses mondiales et le problème, il est là. Et maintenant, qu'est-ce qui fait que nous, on ne se mobilise pas, vu qu'on est 99% contre 1%, qu'est-ce qui fait qu'on ne se mobilise pas pour dire à un moment donné stop, quoi. Bah, je pense que ce n'est pas simple de savoir où mettre le doigt dans l'engrenage pour arriver à faire changer les choses et qu'ils sont très forts là-dessus parce qu'ils maîtrisent tout, parce que les puissants, ils maîtrisent tous les systèmes de communication de A à Z, que qui maîtrisent les médias, qu'ils ont une force économique, est-ce qu'ils ont la force du travail qui fait que ben si ils te disent maintenant je sais pas, Carrefour ferme, c'est des milliers d'emplois dans la rue et les gens ils ont, même s'ils savent que leur emploi c'est aussi de la faim dans le monde, bah ils ont pas forcément envie d'aller à l'opposé. Je peux prendre un exemple qui est tout con qui m'avait fait un peu halluciner l'année dernière, tu vois, dans la crise, quand au moment où il y a eu la crise du poulet en Bretagne là, au moment des bonnets rouges et tout, qu'est-ce qu'ils m'ont gonflé d'ailleurs, mais bon. Un jour, j'entends à la radio un gars le leader de la CGT chez GAD, qui est un des plus gros volaillers français, qui est en faillite là, et qui dit voilà, nous, on est en train de perdre nos emplois, on a vraiment besoin d'exporter notre poulet, machin, sinon on va pas vivre. Ouais, mais mec, t'exportes ton poulet dans des pays comme le Sénégal, où t'as détruit l'industrie du poulet au Sénégal, t'as détruit des milliers d'emplois chez des petits paysans, juste parce que ton poulet, il est subventionné à 90% par l'Union Européenne et qu'il arrive sur le marché africain moins cher que le poulet africain. Et là, non, on y pense, enfin, tu vois, on n'y pense pas, on pense qu'à son nombril. Alors que ce mec, je suis sûr que tu lui dis ça, il va te dire, je suis d'accord avec toi, tu vois, mais il faut quand même sauvegarder mes emplois. Donc, encore une fois, le problème, c'est que cette société, elle est devenue vachement individualiste. Et je pense que c'est compliqué d'avoir une vision haute que locale sur un truc qui est totalement global et qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et un autre facteur, je pense que j'étais très intéressé à un moment par un Canadien qui s'appelle Norbert Bayagon, là, qui lui est prof à la fac sur des cours d'autodéfense intellectuelle, tu vois. Et je trouvais ça génial comme il expliquait ça. Il dit, mais voilà, le problème, c'est qu'on n'apprend plus aux jeunes, en tout cas en Europe, au Canada, on essaye de le faire, mais en Europe, on n'apprend plus aux jeunes à avoir une pensée critique. Et ça, je pense que ça, on l'a plus parce que fondamentalement, les puissants n'ont pas envie qu'on puisse avoir une pensée critique. Que ce soit les puissants, d'ailleurs, économiques et les puissants politiques, puisque les puissants politiques, pour moi, sont des marionnettes des puissants économiques. Et enfin, c'est totalement lié. Et voilà, ils n'ont pas envie qu'on puisse réfléchir. Et c'est comme, enfin, un parallèle, c'est comme en Afrique, quand les potes africains me disent, mais pourquoi il n'y a pas plus d'université chez nous? Mais les dictateurs n'ont aucun intérêt à que tu sois cultivé, quoi, tu vois. Et c'est le nerf de la guerre. Enfin, voilà, en quelque sorte, c'est le nerf de la guerre de dire, mais si tu as une population qui est cultivée, qui comprend ces mécanismes, on les fout en l'air, quoi, tu vois. Donc toi, ta solution, finalement, ça va être le changement que tu veux voir dans le monde en allant vers cette démarche d'autonomie et puis arrêter de vouloir donner des leçons, mais simplement incarner ce changement que tu souhaites voir, quoi. Ouais, carrément. Mais moi, J'ai une pote qui s'appelle Kenny Arcana qui fait du rap et qui dit avant de vouloir changer le monde, faudrait changer soi-même. Et je suis assez d'accord avec ça, quoi. Déjà, allons vers ce qu'on a envie d'amener, tu vois. Et par notre façon d'agir et d'amener ça, en discutant avec les autres, je pense qu'on arrivera à faire changer les autres. En tout cas, moi, c'est vrai que j'ai décidé d'arrêter de partir à l'étranger en mission à droite à gauche pour des ONG parce que j'y trouvais plus ma place. Et j'avais envie d'un peu de concret et de montrer que ben, c'est faisable, quoi, tu vois. Comme je me bats beaucoup, par exemple, en ce moment avec des entrepreneurs qui me disent « Oui, on a trop de charges, machin, moi, j'arrive pas à vivre et tout. » Je suis imposé au même tarif qu'eux. J'ai 45-50% d'impôts qui tombent sur mon bénéfice chaque année. Et pourtant, moi, je vis très bien, quoi. Donc à un moment donné, qu'est-ce qui fait que toi, t'arrives pas à vivre et que moi, je vis très bien et je suis le plus heureux du monde. Je te dirais même, je suis le roi du pétrole actuellement, quoi, tu vois. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, toi, t'as besoin de 3000 euros pour vivre par mois, plus de ta Porsche pour aller au travail le matin, et que moi, j'ai besoin de ma petite Polo ou Clio pour aller au boulot, que j'ai pas besoin de 3000 euros par mois pour vivre. La question pour moi, elle est là, quoi, tu vois. Ou alors, la question, elle est que vous êtes trop à travailler sur le même domaine et ça fait que vous êtes obligé de casser vos prix et donc vous vendez votre prestation à un prix qui fait que vous n'arrivez pas à en vivre par rapport au temps de travail que vous passez. Et là, c'est aussi le système économique qui pour moi, a changé, quoi. Vous êtes trop sur cette branche-là, quoi, tu vois. Enfin, voilà, il y a tout un truc à trouver là-dessus et qui fait qu'à mon avis, on va y arriver, quoi. Et puis, on le voit un peu, je pense, ces dernières années. Moi, je trouve ça super riche, l'époque qu'on vit actuellement. Il y a des révolutions, entre guillemets, partout dans le monde. Il y a des conflits partout dans le monde pour la base, c'est ces conflits-là économiques. Pour moi, c'est la première des bases, c'est... Pourquoi il y a tous ces conflits? Pourquoi il y a toutes ces révolutions? C'est d'abord ça, que ça soit Daesh au Moyen-Orient ou que ça soit en Tunisie, en Égypte. D'abord, le problème, il est économique. Le monde n'a jamais été aussi riche et il n'y a jamais eu aussi peu de personnes qui ont eu autant d'argent, quoi, tu vois. Et pour moi, la première des causes, elle est là. Le jour où les richesses seront mieux réparties mondialement, ça ira mieux. La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine, à retrouver en kiosque tous les deux mois.